on avait tout à l'heure Fouché contre Pébron, maintenant on a Davos contre Pébron. Et voilà. Puis, bon, l'exposé précédent a doté les Davos SOS, et Soros. Et Soros. Davos et Soros. Doté les SOS d'un passé glorieux, et maintenant elles sont aussi devant un navire brillant. C'est formidable, et la discussion commence. Est-ce qu'il y a des études qui ont été menées sur la culture économique chez les gens qui ont suivi un cursus économique ? Aux États-Unis, il y a beaucoup de travaux sur les effets de l'enseignement économique sur les étudiants. Donc, est-ce que ça les rend plus égoïstes ? Oui. Voilà, il y a un certain nombre de travaux un peu... Bon, c'est des travaux très empiriques sur... c'est à base d'enquêtes par questionnaire. Hein, on essaie de voir dans quelle mesure l'enseignement de l'économie à l'université modifie la maîtrise des mécanismes de prix. Un certain nombre de... Les conclusions sont en général assez favorables à la science économique. C'est-à-dire, effectivement, quelqu'un qui est passé par un enseignement universitaire d'économie aux États-Unis, hein, c'est surtout aux États-Unis que ces travaux existent, maîtriserait mieux les mécanismes de marché. Paraît quand même assez... Enfin, c'est pas une énorme découverte empirique, quoi. Par ailleurs, qu'effectivement, ça les rend plus égoïstes aussi. Enfin, j'ai récemment vu une étude qui montrait ça, c'est-à-dire que, y compris sur des décisions ordinaires, sur des comportements ordinaires. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas négliger les effets de la socialisation scolaire, économique, sur les pratiques. On parlait d'éthos tout à l'heure, mais il y a peu de travaux. En tout cas, pour la France, j'en connais pas beaucoup, et j'en connais pas beaucoup portant sur les effets de l'enseignement des SES. Et pour le coup, je pense que ce serait tout à fait intéressant de creuser ça, y compris pour comprendre la perception ensuite de l'enseignement universitaire, par exemple, ou voilà, des choses de ce type-là. Je crois une dizaine d'années, j'ai fait quelques autres personnes une petite enquête très, très modeste, sans grande prétention scientifique, qui soumis un échantillon d'élèves terminal ES et d'étudiants en économie ou AES, etc., de deuxième année, je crois, troisième année, pour un comparatif un peu de ce qu'ils savaient et de ce qu'ils ne savaient pas. Donc, dans certains registres, bon, quelques mécanismes économiques simples, quelques institutions, quelques faits économiques, quelques données, etc. Et ce qui était assez frappant, c'est qu'entre la terminale et la deuxième année de fac d'éco, les gens n'étaient pas tout perdus. Ils avaient gagné en connaissance de mécanismes économiques, modestement, et par contre perdu dans la connaissance des institutions. Et des faits, des données, pourcentage de la population active, etc., dans la population, etc. Il y avait plutôt une perte en matière, disons, de connaissance des données et des institutions, par contre. Un gain en termes de connaissances de quelques mécanismes de base. C'est ce dont je me souviens, c'est un peu vague, c'est pas une grande prétention scientifique, mais c'était assez révélateur. Est-ce qu'il y a quand même une continuité entre cette culture économique que vous avez citée, qu'on trouve déjà sous les papiers de Giscard, qui a été redéveloppé dans les années 90, après les attaques patronales, et qu'on retrouve encore au sein de l'IDE, de dire que la culture économique, c'est un certain ethos particulier, c'est certains mécanismes, ceux de la microéconomie, arbitrage ou avantage, recherche d'un maximum de bien-être d'un point de vue individualiste. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, surtout, de faire que le corps enseignant de SES soit finalement... le bras qui va permettre justement à faire que tous les individus réfléchissent comme ça, comme on peut le voir à travers la finance pour tous, il y a des comportements économiques qui sont différents, mais ce qu'il faudra apprendre, c'est la bonne microéconomie, celle qui va faire qu'on va arbitrer, qu'on va finalement pousser les individus à être davantage égoïstes, pour effectivement faire en sorte que finalement les comportements collent vraiment à la théorie économique néoclassique de base. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas cette volonté-là à travers le discours de Pébron? Enfin, on peut dire ça. Non, on peut dire ça. Enfin, c'est un travail de pression pour modifier les programmes. Donc, évidemment, in fine, oui, produire une vision de l'ordre social conforme à leurs intérêts, à leur propre représentation et à leurs intérêts. Ça, c'est clair. C'est plus cynique même que, quand je dis à leur propre représentation, je pense qu'elles sont en réalité beaucoup plus nuancées, beaucoup plus dans leur vie quotidienne. C'est pas aussi. Mais en tout cas, clairement, il y a un aspect de programme politico-idéologique derrière tout ça. Hein. C'est, à l'Institut de l'entreprise, c'est complètement assumé. Hein. On ne s'en cache pas du tout. Hein. C'est tout à fait assumé. Il faut faire attention au mot microéconomie, je pense. C'est-à-dire que. Parce que c'est pas la même chose de dire voilà, il faut donner une sensibilité aux mécanismes de l'entreprise, même le calcul coût-bénéfice, la microéconomie un peu empirique, ça existe aussi avec des données, etc., ou la révision des postulats microéconomiques par les travaux d'économie expérimentale ou des choses en neuroéconomie, mais c'est pas ça qu'ils veulent qu'on enseigne, voilà, c'est pas justement dans quelle mesure ça tient, dans quelle mesure l'acteur est égoïste, alors que c'est ça aujourd'hui les questions, les vraies questions pour la science économique, c'est est-ce que le modèle sur lequel on s'est appuyé, sur lequel on s'appuie dans l'enseignement, il n'est pas en train de s'effondrer, tout simplement, à travers de nouveaux types de travaux, nouveaux types de recherches empiriques. Et certains disent ça, je ne dis pas que la majorité aujourd'hui pense ça, des économistes universitaires et des chercheurs en économie, mais en tout cas, c'est beaucoup plus émietté, beaucoup plus, le doute est beaucoup plus présent dès qu'on s'approche de la réalité de ce qu'ils font objectivement. Et du coup, je pense que faut essayer de peut-être, en tout cas, peut-être plus stratégique, d'insister sur ces contradictions internes et plutôt que de dire c'est la microéconomie, c'est pas bien, il faut de la macroéconomie. Voilà. Typiquement, je pense que ce serait une erreur. Parce que on peut entendre sous le mot microéconomie, sous le nom microéconomie, à mon avis, des choses assez différentes, plus ou moins scientifiques, plus ou moins fondées empiriquement, plus ou moins intéressantes pour les élèves, etc. etc. Voilà. Moi, j'aurais tendance à avoir ce type de position. Qui est peut-être c'est un combat trop interne au champ, quoi. Peut-être qu'il faut aussi. C'est vrai que les armes de l'Institut d'entreprise, c'est des canons, enfin, c'est vraiment des du lourd. Quoi. Donc il faut aussi répondre par du lourd, hein, ça c'est sûr. Donc je ne dis pas que l'ABSES ne fait pas bien son travail. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi parfois des stratégies de ce type-là à élaborer. Oui, puisqu'on parlait de la culture financière et que tu évoquais des éléments biographiques, notamment de Jean-Pierre Boisivon, qui part de l'Institut d'entreprise. Jusqu'à il y a quelques mois, en fait, il était aussi le représentant pour la France au sein de l'OCDE, qui a lancé une enquête PISA avec un volet particulier consacré à la littératie financière. Voilà. Donc il y a l'enquête PISA de l'OCDE qui influe beaucoup les politiques éducatives, porte habituellement donc sur français mathématiques. Ils ont lancé aussi, de manière un peu volontaire suivant les États, une enquête sur la littératie financière, et Jean-Pierre Boisivon était représentant pour la France dans ce groupe-là. Alors l'enquête a été menée, la France y a participé, les résultats ont été publiés, donc sans surprise la France a d'assez mauvais résultats, parce qu'en fait les résultats sont extrêmement corrélés aux résultats en mathématiques. C'est le principal, c'est pas le seul enseignement, mais c'est la corrélation la plus importante, c'est les questions qui ont été posées de toute façon font que, en fait, on est en train de privilégier les élèves qui ont un raisonnement mathématique, connaissent des calculs d'intérêt, de taux de croissance, etc. etc. Bon. Mais malgré tout, il peut y avoir des spécificités culturelles, et les résultats français sont en dessous de ce qu'il devrait y avoir compte tenu du mauvais résultat qu'on a en mathématiques. Donc en plus, on a une prime négative, on va dire. Je dirais que je suis juste en train de comparer par rapport à ce qui est mesuré par les enquêtes PISA, hein, sans rentrer dans le détail justement effectivement de ce que mesurent réellement ces enquêtes-là. Il y a des niveaux d'inégalité sociale, notamment en mathématiques, qui sont forts et qui se sont surtout accrus aussi depuis une dizaine d'années, et puis un des mauvais résultats de ces enquêtes-là. Ces enquêtes sont, heureusement pour nous, on allait dire presque, heureusement pour les SES, sont sur des élèves de 15 ans. Donc une grande partie de ces élèves, soit n'ont pas eu d'enseignement de sciences économiques et sociales, parce qu'ils ont redoublé une fois, par exemple, il y a quand même un nombre important d'élèves qui ont redoublé une fois dans le système éducatif, ou alors viennent tout juste de commencer des sciences économiques et sociales depuis un ou deux mois à hauteur de 90 minutes par semaine, donc difficilement. Mais malgré ça, vous avez eu des commentateurs en France qui ont dit, voilà, c'est encore une preuve de la défaillance de l'enseignement de sciences économiques et sociales. Alors, pour rester un petit peu sur les facteurs optimistes, Tu as parlé effectivement de l'engagement de Thomas Piketty. Il nous fait l'amitié avec Stéphane Beau là, de préfacer le livre qui va être publié là, sur la science économique et sociale. Donc ça, c'est vraiment effectivement porteur d'espoir. Tu parlais aussi de ce qui se passait en Europe avec les SES, c'est une spécificité française. Pas dans toute l'Europe. Il y a des pays comme le Danemark qui, depuis assez longtemps, a déjà un enseignement de sciences sociales pluridisciplinaires dans une série spécifique du lycée. On a plusieurs lenders qui ont des enseignements d'économie politique qui vont inclure des éléments de sciences politiques et de sociologie dans leur enseignement. On a une série en Italie qui vient d'être créée il y a quelques années sur le modèle de la série ES du lycée. Alors, malgré tout, avec encore des enseignements, de la pluridisciplinarité, mais assurée par des enseignants différents. Mais donc, il y a quelques éléments comme ça. Et puis surtout, il existe une association de l'enseignement de l'économie en Europe qui a tenu sa conférence biennale à Marseille là, en août dernier. Et ce qui est frappant, quand on participe à ça, on a des pays de toute l'Europe qui sont représentés, on a aussi des gens qui peuvent venir de Hong Kong, etc. Bon, les discours sont tous dans le sens de davantage de pluridisciplinarité. Partons des phénomènes réels, des problèmes de société. Et ça traverse tous les pays, cette réflexion-là. Et c'est clairement aussi un effet de la crise. Le pays qui avait un enseignement de l'économie le plus standard, c'était le Royaume-Uni, l'Angleterre, qui fait des enseignements dès le lycée, ou même dès le collège, pour certains, de micro-macro. Et ils sont en train de revoir, dans une partie des écoles, parce que bon, c'est un système plus que dual, là-bas, ils sont en train de revoir, suite à la crise économique, ils sont en train de revoir la façon d'enseigner. Donc on ne va pas d'un seul coup basculer vers du pluridisciplinaire, mais il y a des mouvements... Ce qui correspond à la contestation de l'enseignement académique en Angleterre. Tout à fait, en Angleterre. C'est fort aussi. Donc on a des mouvements qui vont dans ce sens-là, et ça sera effectivement à nous d'essayer de poursuivre ça et d'essayer d'avoir un discours peut-être plus positif, plus conquérant. Peut-être aussi les années. D'attaquer peut-être aussi plus directement les vrais incultes économiques que sont ceux qui sont à l'origine de la crise. Enfin, je sais pas. Non, mais enfin, je sais pas, il y a quand même des choses. Désolé, c'est très politique ce que je dis, mais. Ouais. C'est quand même M. Tirole qui dirige un centre de recherche dans l'économie financière et la prévision sur les marchés qui a eu le prix de la Banque de Suède récemment. Donc voilà, les incultes sont parfois confinés. D'autres questions ? Allez-y. Je crois que quelque chose par rapport à... On s'est posé la question tout à l'heure de la diffusion du modèle SES dans les pays francophones ou non francophones. J'ai pensé à ça, il y a le refus de la AFE avec tous les lycées français à l'étranger qui enseignent aussi la SES. J'ai pensé aussi... un point dont on n'a pas parlé qui est très très important, c'est l'occultation de l'histoire de la pensée en terminale. Voilà, on parlait de l'importance de l'histoire au début dans la genèse des SES, ça c'était complètement supprimé. C'est remplacé par un enseignement d'école approfondie pure, économie approfondie, qui d'ailleurs, je ne sais pas si c'était de l'espoir ou pas, mais est clairement perdu de vitesse. Et, en fait, les élèves sont repris par les mathématiques. Et puis une dernière petite chose, c'était sur... c'est M. Le Baron qui parlait justement de l'interdisciplinarité et plus du côté de l'optimisme. C'est vrai qu'il y a eu quand même les TPE qui ont été instaurés au lycée. Et c'est vrai que c'est une forme aussi d'interdisciplinarité. Donc peut-être que l'interdisciplinarité n'est pas morte. C'était l'idée aussi comme ça. Oui, moi je voulais juste. Mais ça n'a rien à voir avec les SES, mais je ne peux pas te laisser dire qu'il y a une diversité croissante en théorie économique. Alors que les économistes de la FEP se battent depuis 5 ans pour empêcher la disparition des courants de pensée hétérodoxe. Non, j'ai pas dit d'enseignement. Hein, tu as une diversité croissante au sein de l'orthodoxie, oui. Mais tu as quand même tous les courants hétérodoxes qui sont en train de disparaître. Mais c'est pas la même. Tu vois, et tu prends comme exemple la neuroéconomie. Non. On en parlera plus tard. J'ai pas pris comme exemple l'ensemble de la neuroéconomie. C'est-à-dire, je pense que quand tu lis les travaux de Christian Schmitt ou de tu vois que voilà, ils s'inscrivent d'ailleurs souvent dans une filiation assez hétérodoxe d'épistémologie. Alors pas entre l'hétérodoxie et l'orthodoxie, c'est pas l'hétérodoxie radicale. Je suis tout à fait d'accord avec le constat de la perte de biodiversité, pour reprendre le thème, l'expression, la formule de la FEP, en France. Là, je parlais pas de la France spécifiquement, je parlais de la diversité des recherches. Et je ne parlais pas non plus de l'enseignement. C'est-à-dire, je pense que le problème, c'est la disjonction entre les deux. C'est-à-dire que, on a des... Mais c'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'on a des travaux de recherche qui se... qui éclatent, en fait. C'est même pas... c'est des petites communautés qui ne se parlent plus, qui ne se lisent plus. Enfin, c'est vraiment un univers très, très, très éclaté, aujourd'hui, la science économique, dans sa diversité, orthodoxie et hétérodoxie comprises. Non, mais ça, voilà. Mais... T'as plus de recherche. Enfin, je comprends pas de quoi tu parles. On parle pas de la même chose. Non, on parle sans doute pas de la même chose. Parce que je pense qu'il n'y a pas que de la diversité, parce que c'est ce que j'essayais de dire, entre l'hétérodoxie et l'orthodoxie. Je pense qu'il y a aussi de la diversité interne à l'orthodoxie. Oui, mais c'est Tyrol, puisque c'est encore lui. Alors, Piketty est-il orthodoxe ou est-il hétérodoxe ? Voilà. On vient de parler de Piketty. Prenons le cas de Piketty, qui est débattu, qui est consacré, Stiglitz, Krugman, etc. Est-ce qu'il est orthodoxe ou est-ce qu'il est hétérodoxe ? Je pose la question. Il est considéré dans la statistique comme orthodoxe, évidemment. Voilà. Est-ce que ce qu'il dit est en complète phase avec ce que dit Tyrol ? Je ne crois pas. Je pense que les choses sont quand même plus compliquées, qu'il y a des tensions, qu'il y a des contradictions internes, et que ça serait une erreur de ne pas les voir. Ou de dire c'est un bloc, le bloc de l'orthodoxie, des méchants, etc. C'est pas aussi simple que ça. Et c'est diversifié, c'est différencié, c'est multidimensionnel. Enfin, moi, mes travaux, c'était ça aussi. C'était montrer que, précisément, c'est pas... Si les hétérodoxes disparaissent, c'est principalement dans le champ de l'université, parce qu'il y a la grève, etc., et là, il y a les sélections, les qualifications. Mais si on regarde, si on regarde le collège du CNRS ou le collège des études, c'est là qu'on voit que, comme toujours, c'est dans ces marges-là que l'hétérodoxie peut peut-être prospérer. Je ne sais pas, je pense que du côté de l'économie universitaire, la disparition des hétérodoxes, elle est actée depuis. Quels sont les facs qu'on fait encore d'enseignement sur la pensée, etc. L'hétérodoxie, c'est Paris 8, c'est Paris 13, Amiens, le plus grand nombre. Et Versailles 51 aussi. Et globalement, le paysage est quand même très largement dominé par les orthodoxes. Au CNRS, le nettoyage est pratiquement terminé. Oui, ils sont en avance. Bon, à l'école des hautes études, ça représente Pinot. Et Piketty, pour reprendre un modèle pour deuxième dévolu, il est consacré par autre chose que ses pairs. Il est consacré par la presse et par l'édition. Et par quelques prix Nobel d'économie, quand même. Oui, incidemment. Juste quelques prix Nobel. Non, on va pas se détailler. C'est absolument absurde. Il y a quelques prix Nobel qui, par accident, ont été élus et qui, évidemment, sont des bons côtés. Il y en a trois, alors. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, je pense que c'est une illusion totale de dire ça. Ils sont plus nombreux que ça. Et je pense que même, si on fait la statistique sur les médias américains actuels, il faudrait regarder, mais ils sont en désaccord entre eux, en plus. Ils n'arrêtent pas de l'affirmer aussi. Alors, c'est surtout des désaccords en macro, c'est vrai, et plutôt dans un cadre qui reste orthodoxe. C'est vrai que... Mais par exemple, même Krugman, qui est pourtant vraiment un défenseur de l'orthodoxie, pour le coup, il défend ISLM, etc., est dans une position de porte-à-faux et est obligé de répondre aux hétérodoxes. Enfin, on voit bien que il y a des lignes qui changent aussi. Alors, je reviens sur juste un exemple sur l'INET, très frappant. Et je demande là aux collègues économistes de me dire quelle est leur interprétation de ça. Mais j'ai regardé les participants français au congrès de l'INET, le truc de Soros où il y avait Stiglitz, Piketty. Il y avait Dominique Plion, il y avait Alain Parguez et il y avait Dominique Lévy, je crois. C'était eux les trois intervenants. C'est intéressant quand même. Voilà. Peut-être ça ne traduit pas un basculement de l'orthodoxie. Ça ne traduit peut-être pas un basculement de l'orthodoxie, mais ça traduit quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Hein, c'est vrai, là, c'est un peu émergent tout ça. Mais... Oui, peut-être pour rebondir sur l'enseignement de la SES dans les pays francophones. Là, je ne dispose pas d'études, je ne sais pas exactement ce qui se fait. Ça serait intéressant, effectivement, à creuser. Pour la suppression de l'histoire de la pensée, l'option d'histoire de la pensée, ce qui est frappant, effectivement, avec les nouveaux programmes, c'est qu'on a aussi un fort mouvement de déshistorisation des programmes. Donc, à la fois en histoire de la pensée et en histoire des faits économiques et sociaux. On a... Balance a été chargée vraiment du côté conceptuel, théorique, et a délaissé beaucoup cet aspect historique, qui, je crois, pourtant est vraiment essentiel pour les élèves, à la fois en termes de formation citoyenne et intellectuelle. Donc ça, il faudrait, bien sûr, ça c'est un objectif important de pouvoir réhistoriciser les programmes. D'autres observations? Bon, écoutez, on va se séparer sur une note quand même optimiste. Merci beaucoup. Qui a été quand même bien.